Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui la chute de l'URSS, l'histoire de la fin de l'URSS dont nous allons parler avec notre invité. Sabine Dulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, vous enseignez l'histoire de l'Empire russe et soviétique, l'histoire de l'État et de la société soviétique à Sciences Po. Vous êtes aussi l'autrice de livres parus en 2021 dans la petite bibliohistoire chez Payot, intitulé « L'ironie du destin, une histoire des Russes et de leur empire ». On reviendra bien sûr sur cette notion de l'ironie du destin. L'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en 85 est une rupture, hein, tant dans la forme que dans le fond. Quelles sont les coulisses, on va y revenir, c'est important quand même, les coulisses de la mise en orbite du camarade Gorbatchev? Alors oui, c'est vrai que Gorbatchev apparaît quand même comme un nouveau, de par son âge d'abord, parce qu'il a 54 ans, comme vous le précisez dans le documentaire précédent, et les autres avaient quand même 20 ans de plus, toujours. Donc on a un jeune aux commandes. En même temps, il est là depuis 1978, il est un protégé de Andropov, qui avait été un secrétaire général relativement évanescent, mais qui avait été longtemps président du KGB. En fait, il fait partie de cette génération du dégel, de cette génération, oui, de la période Khrouchtchev, donc ce qu'on appelle les hommes des années 60, qui avaient déjà tenté une première réforme du système. Donc voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui est dans ce sillage et qui par ailleurs est un spécialiste des questions économiques et agricoles et qui connaît bien donc l'essoufflement économique du régime soviétique, les problèmes énormes de ravitaillement, le fait qu'on est dans un pays qui vit quand même dans le rationnement et dans l'importation des céréales, alors même qu'on est pourtant dans une superpuissance militaire et géopolitique. Avec la circonstance aggravante de la guerre des étoiles, où finalement les États-Unis ont fait croire à l'URSS qu'ils avaient ce bouclier, l'URSS a aussi dépensé de l'argent, ce qui a aggraver les problèmes déjà graves de l'économie soviétique. C'est-à-dire que la course aux armements est de toute façon un vrai problème pour le budget soviétique et pour le développement soviétique, et ça, Gorbatchev en est tout à fait conscient. D'ailleurs, il aime bien s'entourer d'experts, pas forcément justement membres du Parti communiste, mais des experts un peu académiques, et il a parmi ces experts des spécialistes de physique nucléaire, qui sont tout à fait conscients des retards, notamment en termes de cybernétique, en termes d'informatique, en termes de... Donc, ils sont incapables, en URSS à l'époque, par exemple, de s'occuper de systèmes laser tels que peuvent les imaginer, à ce moment-là, les militaires américains. Ils sont un peu largués, quoi, pour parler familièrement. Alors, une anecdote qui renvoie, c'est que vous disiez au portrait que vous avez fait de Mikhail Gorbatchev, c'est Mitterrand qui avait rapporté ça, ou l'un de ses turiféraires, je ne sais pas. Donc, réunion... au Kremlin avec Khrouchtchev, avec Tchernenko, pardon, c'est lui qui est juste avant, c'est Tchernenko. Donc François Mitterrand est là, il y a une réunion au sommet, Gorbatchev arrive d'Ukraine, je crois, donc ministre de l'Agriculture, et Khrouchtchev lui dit ça va, monsieur le ministre, bon, qu'est-ce qui va pas? Et Gorbatchev aurait répondu devant tout le monde, mais tout, monsieur le Premier secrétaire, rien ne va. Donc c'était quand même un constat terrible. Oui, alors en même temps, c'est peut-être l'avis de Mitterrand, mais je suis pas sûre que ce soit exactement l'image qu'on a de Gorbatchev à l'époque, parce que Gorbatchev est très conscient effectivement des failles, notamment dans le domaine économique, et de la nécessité de restructurer cette fameuse perestroïka, de restructurer l'économie et de responsabiliser les apparatchiks, les chefs d'entreprise. Mais en revanche, Gorbatchev est super optimiste sur un certain nombre de points, et notamment si on prend la question nationale, qui finalement va être quand même le vrai problème pour l'éclatement de l'URSS, eh bien Gorbatchev est un peu persuadé qu'il n'y a plus de problème national en URSS, que l'amitié entre les peuples, ça marche. Et d'ailleurs, il va faire des fautes politiques, des erreurs politiques au tout début de la perestroïka, lorsqu'il démet justement le leader du Kazakhstan, qui est un Kazakh, pour le remplacer par un Russe en 1986. Ça va susciter des émeutes à Almaty, et donc des répressions. Et là, il y a une faute Il y a une volonté chez Gorbatchev de, bien sûr, de lutter contre le népotisme et le clientélisme des apparatchikis dans les républiques d'Asie centrale qui fonctionnent depuis 30 ans et qui sont donc dans quelque chose qui évidemment ne va pas du tout dans le sens de la perestroïka. Mais le problème, c'est que il ne tient pas compte en fait de la nationalité de ces gens-là. Or, du point de vue des opinions publiques des républiques, c'est très important. Donc, Gorbatchev est parfois optimiste sur certains sujets. Et les événements vont lui montrer que ces questions-là non plus n'ont pas été résolues. Alors, est-ce qu'on peut dire, d'une certaine façon, on rappelle que Mikhail Gorbatchev a refusé d'envoyer l'armée écraser les révoltes qui ont abouti à la chute du mur de Berlin. Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine façon, Gorbatchev, Reagan et Jean-Paul II ont gagné la guerre froide? On fait tomber l'URSS à ceci près que pour Gorbatchev, c'était pas le but de faire tomber l'URSS. Au contraire, il voulait la garder, la changer, mais la garder. Mais est-ce que tous les trois sont pas les trois grands personnages qui ont œuvré que pour finalement que l'URSS tombe? Je pense que Gorbatchev, il était plutôt dans l'idée de se recentrer effectivement sur l'intérêt national de l'Union soviétique, donc du grand pays soviétique, qui était composé de ces petites patries républicaines, mais en revanche, qu'il était prêt à abandonner effectivement tout le bloc. Oui. Donc il était prêt à abandonner à la fois la superpuissance mondiale, le soutien aux pays marxistes-léninistes. Voire à certains terroristes d'ailleurs. Voire à certains terroristes. Il voulait finalement laisser tomber Fidel Castro, etc. Mais je pense pas que Gorbatchev du tout imaginait l'effondrement de l'URSS. Oui. À mon avis, il a même été jusqu'à donc accepter la réunification allemande, etc. Mais je pense que finalement la ligne rouge même pour lui, c'était quand même le maintien de l'URSS. Et ça a été une boîte de Pandore qui s'est poursuivie et qui a entraîné l'explosion effectivement, y compris de l'URSS. Mais je pense que c'était quand même si aujourd'hui Poutine reproche à Gorbatchev, considère que l'effondrement de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du siècle et que c'est quand même lié à la politique de réforme de Gorbatchev. Je ne pense pas que Gorbatchev l'avait envisagé du tout. On imagine. En revanche, Reagan ramasse la mise. Et Jean-Paul II, avec la brèche polonaise, a aussi un vrai rôle. Hein. Complètement. Et d'ailleurs, on peut dire quand même que à partir du moment où Gorbatchev renonce à la guerre froide, donc renonce à cette vision d'un monde coupé en deux qui datait de la période stalinienne et de la période de Jdanov, donc il renonce à ça, il parle de maison commune, il considère qu'il y a qu'on a tous les mêmes intérêts et tous les mêmes choses et les mêmes objectifs. Donc là, c'est vraiment fondamentalement un nouveau paradigme à l'époque. Donc il rompt avec la guerre froide, il rompt avec le bloc communiste et donc il est prêt à s'entendre avec les États-Unis pour faire finalement œuvre commune. Ouais. Et là incontestablement, on est dans une sorte de victoire de l'Amérique, de victoire de la démocratie, du libéralisme, au point que en 1989, on a ce journaliste Francis Fukuyama qui évoque la fin de l'histoire, c'est-à-dire que en gros, il y a un camp qui a gagné contre l'autre, et on est quand même dans une sortie de guerre froide où on a l'impression un peu d'un truc rose-bonbon. Enfin, je veux dire, tout va bien, il n'y a pas de violence, bon, même s'il va y avoir quand même les guerres en Yougoslavie, il n'y a pas... la démocratie semble l'emporter, on a le premier McDonald's sur la place Pushkin, bref... tout semble aller dans le bon sens. C'est vrai que 30 ans après, les choses apparaissent un peu différentes. Oui, alors il y a une résonance incroyable, c'est qu'aujourd'hui la Chine a dépassé la Russie sur tous les plans, y compris sur le plan économique, alors qu'à l'époque, au moment de Gorbatchev, il y en a là, en Chine, qui s'appelle Deng Xiaoping, qui lui fait le choix inverse. Deng Xiaoping fait le choix de garder la dictature communiste, de libéraliser l'économie. Gorbatchev, lui, libéralise le régime, mais veut garder une économie planifiée. Alors il y en a un qui fait vraiment le mauvais choix, c'est terrible. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire que ce sont les Chinois qui ont commencé, en fait, parce que c'est depuis la fin des années 70, Deng Xiaoping, il décide de réformer la Chine, mais effectivement en mettant l'accent très largement sur l'économie, mais quand même, il y a un début de glasnost en Chine au début des années 80, et que simplement qu'il va être, il va y avoir un coup d'arrêt, une relance en 89 et un coup d'arrêt, évidemment, avec la répression de Tiananmen en juin 89. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la répression de Tiananmen est vraiment quelque chose qui va indiquer à Gorbatchev que surtout pas de répression en Europe, surtout pas de sang. Donc c'est un petit peu la même année en plus le contre-modèle, puisque c'est vraiment c'est l'exemple chinois qui fait que par la suite, par exemple, lorsqu'il y a les grandes manifestations à Leipzig, donc en Allemagne de l'Est, à la fin de l'année, avant l'ouverture du mur, etc., donc en automne 89, eh bien on a vraiment le refus de Gorbatchev de soutenir l'option conservatrice que pouvaient avoir les apparatchiks en RDA, qui aurait été de réprimer les manifestants. Non, surtout pas. On va se retourner dans 3 minutes et on fera un grand saut, et enfin pas si grand que ça, et on parlera de Poutine, les dessins de Poutine. Vous allez essayer de nous éclairer là-dessus, après avoir écouté Léonie Pernet, « Il pleut des hommes ». Sabine Dulin, parlons maintenant de l'URSS d'aujourd'hui, de la Russie. C'est le général de Gaulle qui refusait de dire URSS, oui, il disait toujours Russie. Bon, alors la Russie de Poutine, qu'est-ce qu'il cherche? C'est quoi son dessin, le dessin de Poutine? Est-ce que c'est, parce que certains le disent, c'est que son pays retrouve la puissance de l'URSS sans le communisme? Alors, ce qui est sûr, c'est que d'abord, Poutine est pas mal agi par le passé, c'est-à-dire que, par exemple, les dates anniversaires, ça compte. Hein, et je pense que le fait que l'année prochaine, ce soit la date de la formation de l'URSS, décembre 1922, décembre 2022, je pense que c'est pas complètement anodin pour Poutine. Donc, lui, évidemment, il a d'abord un, malgré tout, même si c'est un autocrate, on va dire, dans une démocratie assez assez peu démocrate, il a malgré tout un agenda politique et il sait quand même qu'il y a un essoufflement dans le pays du soutien à son égard, et il sait aussi que les moments où il a eu le plus de soutien, c'est les moments où il fait œuvre de patriotisme, d'affirmation de la puissance, comme il l'a fait au moment de l'annexion de la Crimée en 2014. Donc là, sans conteste, il recommence un peu ce processus qui vise à essayer de ressouder un petit peu la population derrière lui, en finalement faisant des bruits de bottes en direction de l'Ukraine, par exemple, qui, pour un certain nombre de Russes, reste un berceau de la patrie russe. Donc incontestablement, il y a quand même agenda politique et par ailleurs une angoisse quand Poutine parle constamment des agents de l'étranger et réprime les agents de l'étranger. Hein. On sait que récemment, il a interdit Mémorial, qui est une des grandes associations, alors là, de l'époque de Gorbatchev, hein, qui visait à faire connaître les crimes du communisme, notamment les crimes du stalinisme. Mémorial est considéré comme un agent de l'étranger, et ces agents de l'étranger, c'est quand même des agents de la démocratie, d'une certaine manière. Donc, toute la politique actuelle de Poutine qui vise à négocier avec les Américains le sort de l'Ukraine sans d'ailleurs véritablement les impliquer, c'est une manière de dire que ces petits pays qui sont autour de la Grande Russie sont des pays qui n'ont en fait dont la souveraineté est fictive, oui. Et qui sont en fait des places d'armes, comme c'était le terme utilisé à l'époque soviétique, des places d'armes des grandes puissances contre la Russie. Hein. Donc c'est toujours l'idée que ces pays ne sont pas souverains et ne sont pas maîtres chez eux. Alors dernière question sur le plan intérieur, est-ce qu'il y a une nostalgie de l'Est et du communisme? Est-ce que si le communisme est un peu valeur refuge, on a l'impression, est-ce que c'est ça l'ironie du destin? Alors, je ne crois pas que le communisme soit une valeur refuge. Je dis un peu pour certains là-bas. Je pense que c'est plutôt une nostalgie de l'Union soviétique plus que du communisme. D'accord. Donc de la force de l'Union soviétique en fait. Du, c'est ça. Du côté grand pays avec qui avait une sorte de messianisme de choses à dire certains, à l'ensemble du monde. Donc oui, il y avait un romantisme, un messianisme, un message, et on était porteur d'un destin un peu hors du commun. Ouais. Et l'idée d'être un pays normal, une nation normale au milieu de pays qui sont eux aussi normaux, apparemment c'est pas quelque chose qui va très bien avec le destin des Russes. Donc c'est ça l'ironie. L'ironie de l'histoire. Oui, l'ironie de l'histoire, c'est aussi que des réformateurs comme Gorbatchev sont toujours impopulaires et que donc incroyable, c'est fou. On préfère pour le moment en Russie, hélas, on espère qu'un jour ça tournera vers autre chose, mais on préfère souvent les autocrates qui affirment la puissance du pays plutôt que des réformateurs qui essayent de moderniser. On verra lors de sa mort si les choses ne changent pas. Peut-être. On espérons. Verra. Bien. Sabine Dulin, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre livre, L'ironie du destin, une histoire des Russes et de leur empire. Paru en 2021. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous en prie, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la chute de l'URSS, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Anne-Laure Cochet. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Marjolaine Corr, Gaspard Vallu, Vincent Lebrun, Adrien Cara et Romain Weber. Attaché de production, Rebecca Denante. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Flora Bernard et Stéphane Combe.